Chapitre 2. Trova qui dure. Nous avons dit que la rue Trova qui dure était une sorte de val d'amour situé dans la ville, mais un val d'amour de bas étage. Cette rue était l'une de celles que l'ordonnance de 1363 désignait comme lieu de résidence aux 5000 filles de joie que l'on comptait dans Paris. C'est donc dans cette rue Trova qui dure que, revenant au moment où Laurence d'Embrun sortit de l'hôtel Saint-Paul après son entrevue avec Odette de Champdivers, nous prions le lecteur de nous suivre. La théorie de Saïtano sur la mémoire était double. D'abord, il est possible, par une certaine action sur le cerveau, de créer une mémoire artificielle, c'est-à-dire de provoquer dans un esprit le souvenir d'événements qui n'ont pas existé. Si cela est possible, on doit pouvoir également abolir dans le même esprit le souvenir des événements qui ont existé. La conclusion, c'est qu'on peut donner à un esprit une personnalité nouvelle. Exemple. Abolissons en Laurence d'Embrun le souvenir des faits successifs qui constituent sa vie. Et il n'y a plus de Laurence, puisque c'est le souvenir seul qui fait la personnalité. Le futur n'existe pas. Le présent est insaisissable tant qu'il n'est pas à l'état de passé. Le passé seul existe donc. Il existe à l'état de souvenir. Plus de souvenir, plus de Laurence. En cet être amorphe, créons artificiellement le souvenir de choses qui n'ont pas existé, le souvenir d'un nom qui n'est pas le sien, le souvenir d'un logis qu'elle n'a pas habité, le souvenir d'événements qui se sont passés en ce logis. Alors, à l'être amorphe, nous avons donné une personnalité nouvelle. Laurence est devenue Jeanne. La deuxième partie de la théorie était d'un intérêt plus poignant, plus dramatique, si l'on veut. Nous disons, ni le présent, ni l'avenir n'existent. Seul le passé est vivant. Il vit dans le souvenir. Ici intervient une conception remarquable et qui prouve que ce Saïtano, fou peut-être, était capable d'étranges efforts de pensée. Il disait, ce souvenir, c'est créer une image de l'événement passé. Non pas une image métaphorique, mais une image réelle. C'est donc revivre jusqu'à un certain degré l'événement qu'on a vécu. Cette image est dans toute sa force à l'instant où l'événement se produit. Une seconde après, elle commence à s'affaiblir. Le souvenir la crée à nouveau, mais de plus en plus faible, jusqu'à ce que le cerveau soit impuissant à l'évoquer. Si, à ce moment, on infuse une force nouvelle au souvenir, l'image créée sera plus distincte. Si cette force infusée est suffisante, l'image deviendra de plus en plus nette, remontant le cours des temps comme elle l'avait descendu, jusqu'au moment où l'image créée par le souvenir se confondra avec l'image créée par l'événement lui-même. C'est-à-dire qu'à ce moment, on revivra complètement l'événement. Exemple, Laurence et la scène de l'oratoire du logis Passavant. 12 ans après, cette scène n'existe plus qu'à l'état de souvenir. L'image créée s'affirme, les détails s'estompent. Dans l'esprit de Laurence, la scène reste à son plan d'époque, elle n'est que le reflet de ce qui s'est passé jadis. Resteront les détails, et l'image reprend de la fraîcheur. Intensifions le souvenir au point que les gestes, les attitudes, les costumes, les meubles, les voix, tout soit remis en état de vibration. Et Laurence croira que la scène d'il y a 12 ans vient de se passer il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 2 jours, 1 heure, quelques minutes. Intensifions encore, et elle croira que l'événement se passe actuellement. Elle le revivra avec les mêmes sensations. Non seulement il nous a paru curieux d'exposer cette double théorie, mais encore cette rapide exposition était indispensable pour l'intelligence des scènes qui vont suivre. Le lecteur aura donc l'indulgence de nous passer ce morceau indigeste. Nous en convenons volontiers. Laurence d'Embrun, on s'en souvient, se heurta à Jean sans peur au moment où elle allait sortir de l'hôtel Saint-Paul. Là se créa un phénomène que Saïtano n'avait pas prévu. Laurence était devenue Jeanne de la rue Trova qui dure. la vue de Jean sans peur faillit abolir Jeanne et ressusciter Laurence. Pourtant, soit par des toxiques, des mélanges de stupéfiants et de révulsifs dont la liste ne nous est pas parvenue, soit par des actions plus directement exercées sur le cerveau, soit enfin par des pratiques de sorcellerie inconnues, Saitano avait si puissamment agi sur la mémoire de la malheureuse que quelques minutes plus tard, elle ne songeait plus à son amant, père de sa fille. Par des chemins qu'elle reconnut, elle gagna la rue Trovaquidur. Elle reconnut cette rue où elle n'avait jamais pénétré. Elle arriva dans une maison qu'elle ne connaissait pas, et elle dit « C'est étrange que je sois si lasse. Heureusement, me voici arrivée chez moi. » Elle entra sans hésiter dans cette maison, monta jusqu'au galetas, tira une clé de la poche de son tablier, partie du costume dont l'usage remonte plus haut encore que cette époque, ouvrit, entra dans le taudis, tous ses actes, tous ses gestes automatiques, comme s'ils eussent été répétés très souvent. Laurence jeta un coup d'œil indécis sur les quelques pauvres meubles du taudis. Elle eut un éclair de défiance. Un instant, les instincts de luxe artistique, accumulés en elle par l'éducation, combattirent les suggestions de la mémoire artificielle. Il y eut une lutte rapide entre Laurence d'Embrun et Jeanne Trovaquidur. Cette dernière triompha. Ce jour, Laurence, paisiblement, se livra aux journalières et humbles besognes qu'eut exécutée la Jeanne imaginée par Saitano. Elle récura sa vaisselle d'étain. Elle lava dans un grand baquet quelques menus linges. Elle surveilla la pauvre cuisine qu'elle mit en train sur l'âtre. Ne se voyant plus rien à faire, elle chercha des yeux autour d'elle un objet qui lui manquait. Quoi ? Elle ne savait. D'une lente pression, elle appuya ses mains sur son front. « C'est cela, murmura-t-elle enfin. C'est mon missel que je cherche, pour lire. » « Son missel ? Un missel chez une malheureuse comme Jeanne ?» C'était Laurence qui, par subconscience, essayait de s'éveiller. Elle se mit à rire. « Quelle idée ! » fit-elle. « Moi qui ne sais pas lire, et où aurais-je jamais eu un missel, moi ?» Pourtant je le vois, il me semble, avec son couvercle de bois verni et son fermoir d'argent ciselé représentant deux croix. Et je vois les pages avec leur belle écriture, les premières lettres peintes en azur et en rose, et à de certaines pages, les saints et la Vierge, et Sainte Madeleine et tant d'autres. Où ai-je vu ce missel ? Bon, je l'aurais vu chez quelques dames de bourgeoisie, et cela m'a frappé l'esprit. C'est un simple souvenir. Ce mot inconscient était terrible. Oui, c'était un simple souvenir. Sur le soir, Laurence fut prise d'inquiétude. Quelle inquiétude ! Elle éprouva tout à coup une mortelle tristesse et comprit que tout son être se révoltait contre ce qu'elle allait faire. Elle ne voulait pas. Elle rougissait et pâlissait qu'au surcoup. En elle, Jeanne se souvenait de ce qu'elle avait à faire, comme tous les soirs. Et en elle, Laurence s'indignait d'avoir à le faire. Encore, Laurence fut vaincue. Ce fut avec des soupirs d'angoisse et de honte, avec des larmes brûlantes, avec des hésitations, des reculs, des détours dans le taudis. Ce fut donc après une résistance acharnée qu'elle se trouva enfin portée devant un coffre qu'elle ouvrit. Une minute, elle demeura les yeux fixés mornes. Puis elle dit à haute voix, « C'est pourtant l'heure de m'attiffer, de me faire belle. » Le coffre contenait le manteau à collet renversé, le diadème en plume de jais, la fourrure de fausse hermine et la ceinture d'argent. L'attirail des filles de joie. Le costume dont certaines parties, telles que la ceinture et les plumes, étaient obligatoires, afin que celle qui les portait comme une enseigne pût être facilement reconnue comme exerçant cet état, et aussi peut-être évitée par les honnêtes bourgeoises. Laurence, devant un petit miroir d'acier poli, commença à arranger sa magnifique chevelure. Elle était blanche, cette chevelure, d'un blanc éclatant, couleur de neige pure par les matins de soleil. Cela seul avait vieilli en elle. Le visage était adorablement jeune. Précipitamment, avec une sorte de rage, Laurence acheva de s'habiller, ceignit la ceinture, posa sur sa tête les plumes de jais avec une dextérité qui prouvait sa longue habitude de cette manœuvre. Elle rougit ses lèvres au carmin, elle peignit ses sourcils, elle colora ses joues avec des pâtes qu'elle trouva dans le coffre. Elle sortit enfin du taudis. Elle descendit le misérable escalier. Elle se trouva dans la rue. La rue trouva qui dure. Quelques misérables filles de la plus basse catégorie erraient çà et là, guettant le soldat. Quand elles aperçurent Laurence, il y eut une stupeur parmi elles. Des ricanements d'abord, puis des rumeurs coururent. Elles s'assemblèrent. Elles grognaient entre elles des insultes, des jurons. Elles disaient « Qui est celle-là? On ne la connaît pas ?»« D'où sort-elle? Que vient-elle faire en notre rue ?»« Si bien huppée, habillée de neuf et avec de l'hermine, et une ceinture de vrai argent, et des plumes toutes fraîches. Elle n'a pas honte, non ?»« C'en est une du Val d'Amour, sûrement. »« La coquine vient nous enlever le pain de la bouche. À quoi pense le prévôt ?» Au Val d'Amour, voleuse, au Val d'Amour. La rumeur devenait menace. Farouche, les louves de la rue Trovaquidur encerclaient la malheureuse, interdite, éperdue, qui balbutiait. Mais je suis Jeanne, vous ne me reconnaissez donc pas? Et comme dans un éclair de folie, elle se murmurait. Comment me reconnaîtrait-elle, puisque je ne me reconnais pas moi-même? Hors d'ici, hurla la bande furieuse. « Au Val d'Amour, et vite, ou gare les griffes !» Les griffes sortirent. Laurence doucement s'en allait. Où ? Elle ne savait pas. La bande gesticulante et hurlante, les griffes tendues, se tenaient pourtant à distance respectueuse. Elles n'étaient pas méchantes, ces malheureuses, et il leur suffisait que l'intrigante s'en allât de leur rue. Or, elle s'en allait. Bientôt, Laurence n'entendit plus les vociférations. Elle se trouvait hors de la rue Trovaquidur. Quant à savoir ce qu'elle devait faire, pourquoi elle se trouvait là et où elle devait aller, ceci était hors de sa conviction. Seulement elle se murmurait avec effarement. « La rue Trovaquidur n'est donc plus ma rue? Je ne dois donc plus rentrer chez moi? Où dois-je aller? Elles ont dit au Val d'Amour. Pourquoi là et non ailleurs ?» Là encore se produisait un phénomène qui avait échappé à la sagacité de Saïtano. Hors de l'ambiance et des souvenirs imposés par le sorcier, l'esprit de Laurence devenait une épave qui devait obéir à l'impulsion de tous les vents. On lui avait crié « Au Val d'Amour !» Et c'est vers le Val d'Amour qu'elle se dirigea. Et comme elle ignorait le chemin, elle s'adressa au premier passant venu. Ce passant était un sergent à verge de la prévôté de Paris. Il considéra, émerveillé, cette belle fille qui ne craignait pas de s'adresser à un agent de l'autorité, justement pour enfreindre les ordres de cette autorité. La fille était en état de rébellion, puisqu'elle arborait les insignes de son métier hors des endroits où elle avait le droit de l'exercer. Il se dit « Mon devoir est d'arrêter la vagabonde. » « Oui, mais elle est bien belle. » Machinalement, tout en discutant avec lui-même, les yeux en coulisses et le sourire vainqueur, il finit par se mettre en route vers le Val d'Amour. Il se disait « Elle me demande le chemin du Val d'Amour, qu'elle connaît mieux que moi. C'est une façon de m'exprimer l'admiration que je lui fais éprouver. » L'autorité, la force, la morale et autres vertus durent se voiler la face. Le sergent capitulait et escortait la délinquante, sûr de trouver au bout du chemin la récompense de sa trahison. De ce fait que Laurence marchait près d'un sergent, il résulta qu'elle atteignit la cité sans avoir été molestée par les passants ou arrêtée par d'autres représentants de l'ordre public. « Eh bien, la belle, » fit tout à coup le sergent, « nous voici au Val d'Amour. Conduisez-moi chez vous. »« Chez moi? Mais je suis Jeanne de la rue Trovaquidur. » Le sergent fronça les sourcils, hérissa la moustache, roula des yeux féroces et dit « Auriez-vous bien l'audace de vous moquer d'un sergent à verge? Prenez garde. »« Que voulez-vous ? » demanda Laurence. « Que vous me conduisiez chez vous, » grommela l'agent de l'autorité. En même temps, il saisit Laurence par le bras. Presque aussitôt, des menaces éclatèrent autour de lui. Les sergents n'étaient pas bien vus des Parisiens, peuple frondeur dans les siècles des siècles. Au Val d'Amour, c'est à peine s'ils avaient le droit de se montrer. En un clin d'œil, le pauvre diable fut entouré, houspillé d'importance, et avant d'avoir pu se reconnaître, expulsé du Val d'Amour. « Ah, c'est bien fait, » se dit-il, fort triste en lui-même. « Je suis puni par où j'ai péché. Mais je tiendrai cette coquine à l'œil. Il faudra bien qu'elle paye sa trahison. » La coquine, cependant, s'était mise à fuir. Affolée, elle entra dans une ruelle où le bruit de l'échauffourée faisait sortir tout le monde, pénétra dans la première allée qui se présenta à elle et s'assit, haletante, sur la première marche de l'escalier. C'était l'escalier qui conduisait au logis d'Hermine Valenciennes. Ce fut là, sur cette marche, qu'Hermine la trouva, comme elle descendait une heure plus tard. Avec étonnement, Hermine vit cette figure qui était inconnue. Avec plus d'étonnement encore, elle remarqua sur cette figure un air de décence et de dignité qui la frappait. « Celle-ci n'est pas du Val d'Amour, » se dit-elle, « et pourtant elle en a le costume. » Hermine Valenciennes, elle, était bien du Val d'Amour. Comment avait-elle été réduite à ce triste état? Nous l'ignorons. Ce qui est sûr, c'est qu'elle en souffrait. Cette malheureuse fille, créée pour une vie d'honnêteté, faite pour le foyer, n'avait pu, malgré ses efforts, anéantir ses instincts d'innocence. C'était un malheur pour elle qu'elle eût le cœur sain. Hermine, après avoir attentivement considéré cette femme qui pleurait en silence, s'assit près d'elle sur la marche et lui prit la main. « Où logez-vous » commença-t-elle. « Je n'ai pas de logis, » répondit Laurence en hésitant, comme si elle eût interrogé des souvenirs déjà près de s'effacer. « J'en avais un dans la rue Trovaquidur. Je m'appelle Jeanne, de la rue Trovaquidur. Mais il paraît que ce logis n'est pas le mien, puisqu'elles m'ont crié de venir au Val d'Amour. Est-ce ici, le Val d'Amour ?» L'entretien ainsi commencé se poursuivit sur cette marche. Il en résulta avec évidence pour Hermine que Jeanne se trouvait sans logis. D'autres conclusions se présentèrent à son esprit, mais avec moins d'évidence. Elle devina vaguement qu'elle se trouvait en présence d'une inexplicable infortune. Elle précisa mieux que cette Jeanne n'avait dû jamais exercer le métier auquel, dès longtemps, elle s'adonnait. Le mystère de cette rencontre surexcita son imagination. Et son bon cœur fit le reste. « Écoutez, » dit-elle enfin, « voulez-vous demeurer avec moi, tout au moins quelques jours? À côté de ma chambre, il y en a une autre qu'habitait Jacqueline, mon amie. Mais Jacqueline a été prise, voici 3 jours, par les gens du guet. Et Dieu sait quand elle sortira de prison. Allons, venez. » Laurence se laissa conduire et bientôt fut installée dans la chambre de Jacqueline qui était attenante à celle d'Hermine Valenciennes. Cette nuit-là, pour la première fois depuis bien longtemps, Laurence dormit d'un sommeil paisible. Elle se sentait protégée. Le lendemain, la liaison ébauchée s'acheva. Il y eut une fort longue conversation que nous ne rapporterons pas, mais dont nous signalons un fragment. Hermine, au cours de cet entretien, avoua l'horreur que lui inspirait le Val d'Amour. Elle ajouta « Depuis 6 mois, avec Jacqueline, nous apprenons à broder. C'est difficile. Mais quand je saurai broder, je serai délivrée et je gagnerai ma vie, car je connais des dames de bourgeoisie et de noblesse qui paient généreusement les ouvrages de broderie. » Broderie ? Murmura Laurence, pensive. Oui, c'est un talent qu'on n'apprend pas aux pauvres filles comme moi. Mais, dit Laurence, il me semble. Oui, j'en suis sûre même. Je sais broder, moi. Eh bien, voulez-vous que je vous dise ? « Cela ne m'étonne pas. Même, vous me diriez que vous savez lire et écrire, je vous croirais encore. À vous voir, à vous entendre, on devine bien, allez, que vous êtes de noblesse. »« Moi ?» s'écria Laurence avec un rire contraint. « Mais je vous dis que je suis Jeanne, de la rue Trovaquidur. » Quoi qu'il en fût, il demeura établi que Jeanne savait broder. Hermine battit des mains. À partir de ce moment, Laurence, installée dans le logis d'Hermine Valenciennes, vécut pour quelques jours une vie nouvelle. Se rendit-elle compte qu'elle recevait l'hospitalité d'une fille perdue? C'est bien improbable. Il est possible en tout cas que sa générosité d'âme lui ait conseillé l'ignorance. Hermine, de son côté, mettait tout en œuvre pour échapper à cette sorte d'esclavage qu'elle subissait. les écharpes, les voiles de henna et même la lingerie n'allaient pas sans broderie. Dès le lendemain, Hermine trouva de quoi occuper le talent de sa nouvelle amie et assurer ainsi leur existence à toutes deux.